J'ai entendu le ha-ha dans le check, le check. J'ai entendu le ha-ha dans le check, le check. Dans le check. Soupé tout je comate. Y'a là en bas du bat. Roulant nos 10 grimates. Les schmittis font la grimace. Du coin de l'œil elle me mate. Là je passe à la radio. Il faut que je la traumate. Je vais bosser le cardio. Ok man, il faut encore tout niquer cette année. Tu me fais ta maline offense. Tu sais que je vais te la caler. Je suis en haut de la colline. Je vais te monter tout. Je l'ai mal tassé. Anne dès qu'il y a les cibles. J'ai entendu le ha-ha dans le check, le check. J'ai entendu le ha-ha dans le check, le check. Dans le check. Gros perso dans la villa. La piscine dans la villa. Caviar, bouteille de Rina. On fait halal dans la villa. Gros perso dans la villa. La piscine dans la villa. Caviar, bouteille de Rina. On fait halal dans la villa. J'suis toujours dans le match. Comme Salaman et Sadio. Poto envoie les masses. J'vais rouler un gros bédo. Là j'suis pépère, elle me masse. J'ai pris la chambre au Bellagio. Tu m'as trop pris la race. Et vas-y au Bella ciao. J'prends une prod, je la casse. C'est physique, c'est le calcio. Que des chiens de la casse. Une gadji pour son gadjo. Dans le check, le check. J'ai entendu le ha-ha. Dans le check, le check. Dans le check. Gros perso dans la villa. La piscine dans la villa. Caviar, bouteille de Rina. On fait halal dans la villa. Gros perso dans la villa. La piscine dans la villa. Caviar, bouteille de Rina. On fait halal dans la villa. Dans le check, le check. J'ai entendu le ha-ha. Dans le check, le check. J'ai entendu le ha-ha.